Chapitre 68e. L'auto sans lumière. Au demeurant, Paulin Broquel ne pouvait entendre ses cris de triomphe, ne pouvait assister à cette joie exhilarante des aides. Il était lui-même, de son côté, fort occupé au camp d'expérience. Il jouait aussi bien, mais dans un but tout à fait opposé, aussi bien que le sapeur de Paris, son rôle de sapeur artificier. Les hommes de garde veillaient sur le camp, armes au bras, faisant les 100 pas, aux quatre coins du terrain, devant la casemate. Dans l'intérieur de la casemate, sur deux lits de camp, reposaient le commandant Girard et le lieutenant Charlet, tout près de leurs canons. Mais cela ne suffisait pas pour Broquel, ne le rassurait pas complètement. Il connaissait trop les adversaires, les ennemis, peut-on dire, qui avaient envie de s'emparer du trésor si bien gardé, pour trouver cette garde suffisante. Les soldats allaient veiller en soldats, remplir leurs consignes en militaires, selon les règlements, les prescriptions, selon la routine. À la rigueur, cela pouvait suffire, si l'on avait affaire à d'autres soldats. Mais ceux dont il fallait redouter l'attaque, ceux qu'il fallait combattre, ne devaient pas agir comme eussent fait des soldats. Leur audace était plus grande, leur ruse toute différente de celle que l'on apprend généralement à déjouer dans les manuels, et aucune théorie ne savait les prévoir. Il fallait des hommes comme ceux de Paulin Broquel pour faire face avec chance de succès à des hommes tels que ceux de la brigade du général Osaka ou de la bande de Zigomar. Aux alentours du camp, les hommes de Paulin Broquel s'étaient répandus. Ils se tenaient cachés dans les fossés, dans les herbes, à l'affût derrière des pierres, des monticules de terre, et ils attendaient, guettaient. Sur la route, Paulin Broquel et Gabriel, assis dans le fossé, veillaient, surveillaient la campagne, prêts à donner des ordres, à faire entendre le signal convenu. À vrai dire, Paulin Broquel éprouva une déception tout d'abord. Il s'attendait à voir apparaître Zigomar, à le retrouver, à le reconnaître et à le suivre. Il était résolu cette fois, non pas seulement à le prendre vivant, mais à en finir une bonne fois avec lui. Tant qu'il n'était que malfaiteur de droit commun, qu'il s'attaquait à la fortune des gens, des administrations, qu'il tuait, Zigomar se trouvait en somme protégé par la loi ridicule, hors de laquelle il se faisait gloire de vivre. Mais à présent, c'était au bien de la nation qu'il s'attaquait, c'était la patrie qu'il sacrifiait, la France qu'il volait, qu'il trahissait. Alors, il ne méritait aucun ménagement. « Mes enfants, avait dit le détective à ses hommes, ce soir, nous ne sommes pas seulement des serviteurs de la justice, nous sommes des soldats, des défenseurs du pays. Agissons, soyons sans pitié, tapons, vous avez vos armes, pas d'hésitation, pas de quartier, à la moindre réplique des malandrins, feu !» Mais contrairement à son attente, personne ne parut. Or, Paulin Broquel savait que personne n'avait pu passer dans le cordon d'agents, dans la filière, sans que l'alarme eût été donnée. Donc, Zigomar n'était pas venu. Peut-être, se dit-il, sent-il le coup à faire maintenant impossible, imprudent ce soir, et se réserve-t-il pour une autre fois, pour demain sans doute dans la journée, dans la nuit. Comme il disait cela à Gabriel, le bruit d'un moteur puissant arriva jusqu'à eux. Paulin Broquel regarda sur la route, toute droite, longue, et aucune lumière n'apparut perçant la nuit fort sombre justement. Instinctivement, Paulin Broquel leva la tête et regarda au ciel si, employant un nouveau moyen, Zigomar n'arrivait pas en aéroplane. S'il n'avionnait pas pour déjouer toute surveillance et passer par-dessus les cordons de garde, se moquer des filières de détectives. Au ciel non plus, rien n'apparaissait. D'ailleurs, un avion n'aurait pas eu de feu de position, aucun fanal qui le signala, alors qu'à terre, les feux des postes, les lumières, le guidaient sûrement. Mais le moyen de voler, voler à la façon de Zigomar, s'entend, voler en avion, n'est pas encore du domaine de Zigomar, tout étonnant qu'il soit. Cela viendra. Donc, ayant acquis la certitude que le ciel tout sombre ne recelait rien de suspect, Paulin Broquel reporta son attention sur la route. Ses yeux gris voyaient comme les yeux de lynx, et ses oreilles semblaient pourvues de microphones naturels. « C'est une auto qui vient, » dit-il à Gabriel, « qui vient de Versailles. » Or, comme il n'y a aucun phare d'allumé, c'est une auto pleine de mauvais desseins qui tient à ne pas être vue. Ce sont les aides, probablement. Paulin Broquel et Gabriel alors se couchèrent à plat ventre dans le fossé, se couvrirent d'herbes rapidement arrachées et laissèrent leur tête seulement dépasser le rebord du fossé pour voir sur la route. Ils attendirent ainsi, mais le bruit du moteur cessa. Ce fut le silence de la nuit qui retomba. « Singulier, » fit Paulin Broquel. « Est-ce que, laissant là l'auto, ils vont passer à travers champs ? Cependant, il y a encore un bon bout de chemin jusqu'au camp. » Comme il disait cela, Sur la route, trois vélos, eux aussi sans lanterne, passèrent filant à toute pédale. Mais, en passant devant les trois détectives, dont ils ne soupçonnaient pas la présence, les trois hommes à vélo parlèrent. Ils allaient vite. Cependant, quelques-unes de leurs paroles arrivèrent à Paulin Broquet. Leurs paroles, le son de leur voix, frappèrent le détective qui, se penchant vers Gabriel, lui dit vivement « Les Japonais. Les Japs, oui, ce sont eux qui vont tenter le coup. Rappelle-toi, ce bout de billet que j'ai trouvé chez Schmidt, assassiné chez James Benamol. Il faut, avant les Japs, avoir le DR. Oui, chef. » C'est donc en quelque sorte la course au DR, un match entre les Japs et Zigomar. Alors Paulin Broquet se leva doucement. Il se renversa, s'appuya du dos au talus opposé à la route, plus élevé qu'elle. Ainsi il se confondait avec le noir de la terre du champ, et sa silhouette ne pouvait être aperçue, même si quelqu'un passait tout près, et lui, debout, pouvait voir plus loin. Il ne distingua rien. Un moment, il pensa donner le signal à ses hommes et à faire entourer l'automobile qu'on découvrirait sur la route, mais il ne s'arrêta pas à cette pensée. Il valait mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire aller au-devant de l'attaque. Il serait toujours temps de revenir à l'auto quand on aurait vu ce qui se passait au camp. « Allons, » fit Paulin Broquet, « allons voir à la casemate. » Dans les fossés qui les rendaient plus petits, ils se mirent à courir vers le camp. Sur le rebord de la route, ils aperçurent les trois bicyclettes. Vivement, en mettant le manche de son couteau entre la chaîne et le pignon arrière, Paulin Broquet, d'un tour de roue, dégagea la chaîne des dents d'engrenage, rendit les bicyclettes inutilisables. « Ils ne pourront fuir, » dit-il. Et avec Gabriel, il se glissa de nouveau dans la nuit, approchant du camp, passant à travers le cordon des sentinelles, comme certainement avaient dû faire les Japonais. Il arriva au fil barbelé dont il avait surpris le point faible, qu'il savait franchir sans grand risque. Il se faufila avec Gabriel et gagna la casemate. Paulin Broquet, en tant que sapeur artificier, aurait pu entrer franchement dans le camp en donnant le mot de passe. Mais cela eût causé du dérangement, provoqué un mouvement anormal, donné l'alarme peut-être à ceux qu'il pourchassait. D'ailleurs, il n'aurait pu introduire Gabriel et il pressentait que le concours de son second lui serait nécessaire. Il préféra employer la ruse et filer en policier les Japs ou les aides. Comme il se trouvait engagé dans le réseau de fils barbelés et qu'il devait, à cause de Gabriel, aller doucement, tout à coup, le silence de la nuit fut troublé par une violente explosion. « Ah ! » fit Paulin Broquet, « un de mes engins qui saute. On a touché au canon. »